Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par l'aube, par les 10 nuits, par le pair et l'impair, par la nuit quand elle passe, n'y a-t-il pas là un serment pour un esprit sagace? Ne vois-tu pas ce que ton Seigneur a fait des Aad et de Hiram, la cité aux hautes colonnes, à laquelle jamais cité semblable ne fut créée dans la contrée, et ce qu'il a fait des Thamoud, qui avaient taillé leur maison à même le roc dans la vallée, et de Pharaon, qui avait inventé le supplice des épieux, qui tous transgressaient dans la contrée, et y se met un grand désordre. Ton Seigneur sévit alors contre eux par le fouet de son supplice. Car certes, ton Seigneur toujours guette. Quand son Seigneur, en l'éprouvant, l'honore et le comble de bienfaits, l'homme dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais quand, en l'éprouvant, il lui accorde parcimonieusement sa subsistance, il proteste « Mon Seigneur m'a humilié ». Que non, car c'est plutôt vous qui manquez de générosité envers l'orphelin, qui ne vous exhortez pas les uns les autres à nourrir le pauvre, qui vous emparez des héritages avec cupidité et aimez les richesses d'un amour démesuré. Que non, lorsque la terre s'effritera parcelle par parcelle. Mais lorsque ton Seigneur viendra, de même que les anges, rangée par rangée. Mais lorsque ce jour-là, la géhenne sera amenée. Ce jour-là alors, l'homme se souviendra. Mais à quoi pourrait bien lui servir de se souvenir? Il dira, « Ah, si seulement j'avais prévu de faire le bien pour ma vie dans l'autre monde !» Ce jour-là, nul ne suppliciera comme lui supplicie, nul ne ligotera comme lui ligote. Ô toi, âme sereine, reviens vers ton Seigneur, contente et agréée. Entre parmi mes serviteurs. Entre dans mon paradis.